Jour après jour, heure après heure, le temps s'écoule et l'amour meurt. Histoire bonne histoire et tout pour le meilleur. Je crois qu'entre nous c'est une erreur. M'accommoder de tes silences, m'a aimé par innocence. Je dois te quitter par insouciance. Je reviendrai peut-être un jour, peut-être même pour te parler d'amour. Mais les passions se sont flétries. Je vais chasser tout cet ennui, tous mes espoirs et la vie c'est fini. Les rêves à deux sont défaillances, dans le vouloir par négligence, l'amour leur donne de soucis.